carême. Cheveux châtains, les yeux caramel. J'ai du mal à décrocher quand le sale m'appelle. Prince de la ville, veulent me voir en perte. Ta beauté tombée du ciel me monte à la tête. Zone dans la ville toute la semaine. Passager, c'est moi qui pilote. Loin de toi, mes sentiments provoquent un tsunami. Yeah. Près de toi, si tu m'aimes ma mort, ce sera pour la vie. Yeah. Zone dans la ville toute la semaine. Ah, viens de rapide, tout est vrai. Je récupère le truc et on y va.